patienter et endurer sur les obstacles qu'on va y rencontrer. Et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui est la vraie divinité qui doit être digne d'être adorée. Au contraire, l'adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله هذه تفسيرية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى الأدوراسيون كما يجي الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة توحيد الألوهية هذه صفة استحقاق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفهم الحاجات رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أحبتي الكرام أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستأنف إن شاء الله الدرس الأول في شرح رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي هي الأصول الثلاثة بشرح الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في متنه اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الشيخ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل Il dit, et sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre points. Il nous est obligatoire d'apprendre quatre points. C'est quoi ces points? Le premier point, c'est la science. Donc, ces points, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, allaq ala hadha al-kalam, قال, ces points, il est obligatoire aux croyants et à la croyante, jeunes ou âgés, de les apprendre. Il est très important, il est obligatoire pour chaque croyant et croyante d'apprendre ces quatre choses. La première des choses, c'est quoi? C'est la science. Donc, il est obligatoire que l'homme apprenne et réfléchisse afin qu'il soit sur une preuve évidente et qu'il connaisse la religion d'Allah Azza wa Jal pour laquelle il fut créé. Et cette science est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance, cette science c'est quoi? La première des choses, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième connaissance, c'est la connaissance de son prophète, alayhi salatu wa salam. La troisième connaissance, c'est quoi? C'est la connaissance de la religion d'Allah, qui est l'islam. En se basant que sur des indications, que sur des preuves. Et ceci est donc la première chose à laquelle le musulman se doit de réfléchir. Qui est son créateur? Qui t'a créé? Il sait que Allah Azza wa Jal est le créateur qui l'a créé. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui lui donne la subsistance et c'est lui qui le comble de bienfaits. Donc, il a créé, il lui a donné de la subsistance et il a créé, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont vécu avant lui. Donc, il a créé ceux, les personnes qui ont vécu avant lui et il a créé ceux qui viendront après lui. Et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui détient le monde. Et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui est la vraie divinité qui doit être digne d'être adorée. Et que nul n'a droit à l'adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Jamais. Ni un ange rapproché, voilà malakul muqarram, voilà nabiul mursal, ni un prophète envoyé, ni un djinn, ni un être humain, ni une statue, ni autre que tout ce qu'on a vu. Au contraire, l'adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. La yastahiqqu al-ibada illa Allah azza wa jalla. Donc, توحيد توحيد الألوهية هذه صفة استحقاق صفة استحقاق donc c'est Allah qui est digne d'être adoré. Il est donc le vrai adoré et il est celui qui mérite d'être adoré et c'est lui le créateur des mondes. C'est lui qui a créé le monde, donc celui qui a créé les mondes, celui qui a créé tout ce qui nous entoure, toute chose. Donc c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui doit se digne d'être adoré. Et c'est lui qui est ton Rabb. Wa huwa Rabbuka. Wa khaliquka. Wa raziquka. C'est ton créateur et ta vraie divinité, subhanahu wa ta'ala. Donc tu connais donc ce premier point, qui est ta connaissance de ton créateur, ton prophète alayhi salatu wassalam, ta religion qui est l'islam. Donc c'est ça les trois bases. Al-usul, al-asl, c'est les bases. Al-asl, c'est la base. En s'appuyant sur des preuves, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit et le prophète alayhi salatu wassalam a dit. هذه أدلة أهل السنة والجماعة. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. هذه أدلة أهل السنة والجماعة. Et non pas sur la base des opinions, et sur la base des avis des gens, sur la base de l'instinct, sur la base du hawa. Donc, toutes ces choses-là, tu les mets de côté et tu prends la voie de self, la voix des pieux prédécesseurs. Donc on ne regarde pas à la parole d'un tel, ou à la parole d'un tel, et à la parole du cheikh. Donc on ne regarde pas la parole du cheikh. On ne regarde pas le cheikh, mais on regarde sa parole, si elle est basée sur des preuves concrètes. Donc, on regarde si la base des paroles, est-ce que c'est des bases qui sont bâties sur le Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la religion de l'islam. C'est ça l'islam. Qala Allah, qala Rasul. À laquelle tu es obligé de t'affilier et d'adhérer et de te conformer. Et c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de laquelle allez, subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Surat al-Dhariyat. Donc, الغاية من الخلق من هذا الخلق الغاية ما هي هي عبادة الله عز وجل إفراد الله بالعبادة لا معبود بحق Illallah Azza wa Jal. Et cette adoration, c'est quoi? C'est l'islam. Cette adoration, c'est l'islam. Et l'adoration, comme il a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. شيخ الإسلام الجميل رحمه الله a donné une traduction du mot adoration. Donc l'adoration, elle consiste pas à faire la prière et à jeûner seulement. Donc c'est, il a dit quoi? C'est le mot adoration englobe toute adoration de la langue, tout dire de la langue. L'ibad huwa ismun jami', c'est un nom qui est global à toute parole et à tout acte intérieur et extérieur dont Allah est satisfait. Donc tout ce dont Allah est satisfait, c'est une adoration. Tout ce que Allah aime et toute chose que Allah est satisfait, donc c'est une forme d'adoration. Donc l'adoration, donc cette adoration, c'est quoi? C'est l'islam. Et c'est quoi? C'est l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et à son prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, tu te soumets aux ordres d'Allah Azza wa Jalla et tu abandonnes tout ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a interdit, tu le délaisses. Donc, les gens ont été créés pour cette adoration, comme on l'a vu dans le verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, « Oh vous les gens, adorez votre Rabb. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. » C'est-à-dire, adorez-le. U'budu rabbakum, adorez-le en obéissant et en vous soumettant à ses commandements et à ses ordres et en vous écartant de ses interdictions et en lui soumettant vos visages et en lui vouant l'adoration à lui exclusivement, subhanahu wa ta'ala. Donc, ton rôle est غاية خلقك أن تعبد الله عز وجل أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى كما جاء في الحديث. Donc la première chose que le cheikh nous a montré, qui doit être su et obligatoirement apprise par chaque croyant et chaque croyante, c'est la science. Ensuite, on a vu la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la connaissance de son prophète alayhi salatu wa ta'ala. Ensuite, la connaissance de la religion, de l'islam. Ensuite, et ne se basant que sur les indications, que sur les preuves. Donc Cheikh il a dit, et Alam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-oula, al-ilm, la science. Al-thaniya, al-ilm, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini islami bil-adillah. Al-thaniya, al-amalu bihi. Al-thaniya, al-amalu bihi. Donc on a vu cette science. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est al-amalu bihi, c'est le mettre en pratique. Donc, avant de passer à la pratique, nous allons rentrer dans la science et la connaissance du prophète alayhi salatu wasalam. Donc, ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyihi. Ma'rifatu nabiyihi. Ma'rifatu nabiyihi, yani c'est connaître le prophète alayhi salatu wasalam, qui est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib al-Hashimi al-Qurashi. Donc, connaître son prophète. Tu sais donc qui est ton prophète. Et qu'Allah l'a envoyé vers toi avec Ad-Din al-Haq, avec la vraie religion. Il t'enseigne, il t'oriente, il te guide, il te montre la vérité et il est miséricordieux envers toi. Tu crois donc qu'il est réellement le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah l'a envoyé à toute la création, les jeunes, les humains, toutes choses. et qu'il est une obligation, il est obligatoire de le suivre, de marcher derrière lui, alayhi salatu wa salam, prendre, suivre sa guidée, suivre sa voie, suivre la droiture qu'il nous a montrée. Donc ce point va être détaillé, Inch'Allah, azzawajal, dans le troisième fondement. Dans le troisième fondement. Donc, le deuxième, pratiquer sa science. Donc, on revient à la science. Pratiquer sa science. Le troisième, y prêcher les gens. Appeler les gens à cette science. Y prêcher les gens à cette science. La quatrième, patienter et endurer sur les obstacles qu'on va y rencontrer. Donc, supporter ce que les gens vont nous dire. Les critiques qu'on pourrait avoir des gens. Donc, tu pratiques cette religion d'Allah Azza wa Jal qui est l'islam, comme la prière, le jeûne, le jihad, fi sabilillah, le pèlerinage, la foi, la piété. Donc tu pratiques l'islam car tu as été créé pour cela. Tu as été créé pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله هذه تفسيرية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي قول آخر قال الله عز وجل في آية أخرى لقد بعثنا في كل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دونك أدوغي موا Donc, il était donc obligatoire d'apprendre cette religion, de la pratiquer. Alors tu adores, yani ta'budu Allah azza wa jal wahdahu la sharika lah, tu addis salat, tunfiq fi sabilillah, tu addis zakat fi sabilillah, tasoum ramadan, tahujj al bayt in istata'ta ilayhi sabila. Donc, tu as la foi. En Allah Azza wa Jal, tu as la foi en ses anges, al-Malaika, tu as la foi en ses prophètes, alayhim, as-salatu wassalam, tu as la foi en ses livres, et tu as la foi au jour du jugement, et au destin. Le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc tu ordonnes le bien, ta'mur bil-ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tu ordonnes le bien, et tu interdis le blâmable. Tu es bon, tu te comportes bien envers tes parents. Tu maintiens les liens de parenté. Ta faire rahimak. Ainsi de suite. Tu pratiques ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. T'a ordonné et t'arrêtes de faire ce que Allah t'a interdit. Donc, tu abandonnes les péchés qui te sont interdits et tu fais les obligations qui te sont ordonnées, tout simplement. Tu fais ce que Allah t'a ordonné et tu t'éloignes et tu délaisses ce que Allah t'a désordonné de faire. Donc, pratiquer la science. Al-amalu bi. An-ta'amal bi hadha ad-din. An-ta'amal bi arkan al-islam. يعني أن كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أن تبر والديك وأن تصوم إلى غير ذلك من الأعمال ولو جاء في حديث لكن حديث ضعيف يعني نسمع من الكثير يقولون الدين المعاملة يجيز كم كوا la religion c'est le comportement c'est pas un حديث mais المعنى صحيح C'est un hadith, mais le sens est vrai. Ad-din al-mu'amala, na'am. Walakin la nansibuhu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din al-mu'amala. Ar-rasul alayhi salatu wassalam qala ad-din an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Tu conseilles. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا استنصحك أخاك فانصح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: يعني les obligations que le musulman a envers son frère le musulman, c'est quand il lui demande conseil, qu'il lui prête et qu'il le conseille. Donc, الدين النصيحة. الدين النصيحة. والحديث له بقية. كما تعلمون. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? العمل به. الثالثة, الدعوة إليه. الدعوة إليه. Une chapelle à cette grande religion, à cette grandiose, à cette religion qui est grandiose. Subhanallah. C'est-à-dire que tu prêches à cette religion, tu prêches l'islam autour de toi. Tu conseilles aux gens d'y adhérer avec droiture. Tu en montres le chemin avec ton bon comportement. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati hasana. Et tu appelles à cette religion avec sagesse. Tu les orientes. Tu leur ordonnes le bien. Tu leur interdis le blâmable. Donc, c'est comme ça que tu prêches autour de toi. Tu commences avec tes proches. Avec au sein de ta maison, avec ta famille. Donc, tout musulman se doit donc de prêcher, de faire da'wah à Allah Azza wa Jalla. Selon sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Donc toute personne, homme ou femme, a une part de responsabilité et a une part d'obligation de transmettre, de prêcher, d'orienter, de guider, de conseiller. Donc d'appeler à l'unicité d'Allah Azzawajal. Donc à la prière, tu appelles à la prière. La prière, yani hada min arkan al-islam. Wa ar-rukn huwa yani ar-rukn yakun ta'rif ar-rukn huwa haqiqatu ash-shay. Ar-rukn haqiqatu ash-shay. Wa ash-shart يكون خارج الشيء. La condition, une condition en fait, pour donner une traduction, pour expliquer la différence entre le pilier et la condition. Le pilier en fait se trouve à l'intérieur même de la chose, alors que la condition se trouve à l'extérieur de la chose. On va donner un exemple. Donc, Al-Fatiha, par exemple, Al-Fatiha c'est un pilier de la prière. Donc elle se trouve à l'intérieur de la prière. Si on vient aux ablutions, est-ce que les ablutions, on va dire, c'est un pilier de la prière ou une condition? On va dire que c'est une condition parce que les ablutions ne se trouvent pas à l'intérieur même de la prière. Elles se trouvent à l'extérieur. Donc, parmi les conditions de la prière, il y a les ablutions. Il y a al-wudu, tahara, raf'u al-hadath. Donc tu dois prêcher autour de toi, donc tu appelles au tawhid, tu appelles à la prière, et ainsi de suite. Et donc c'est, et tu avances petit à petit, zakat, ensuite le jeûne du ramadan, ensuite le pèlerinage, et tu ainsi de suite, tu commences à expliquer aux gens, petit à petit. Donc, tu montres à tes parents, et on a dit, aux bras et aux proches, de ta famille et ainsi de suite. Ensuite, on vient au quatrième chose que tu dois obligatoirement faire, c'est quoi? C'est avoir de l'endurance et de la patience. Être patient. Donc tu patientes et tu endures par rapport aux obstacles. Donc toujours tu auras des ennemis. Celui qui appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal, comme Allah l'a ordonné, obligé, il aura des ennemis. Donc, le prophète, quand il prêchait, il avait des ennemis. Quand il appelait à la religion d'Allah Azza wa Jal, il avait des ennemis. Donc celui qui appelle Allah religion d'Allah Azzawajal, qu'il se dit qu'il va avoir des obstacles et des gens qui vont aller à son encontre. Et qu'il va rencontrer des choses qui vont lui faire du mal. Et donc celui qui se dit qu'il va appeler à la religion d'Allah Azzawajal et qu'il ne va pas rencontrer des difficultés, هذا إما فيه إما مجنون أو فيه خلل. Donc celui qui croit qu'il va appeler à la religion d'Allah Azzawajal et qu'il ne va pas rencontrer des difficultés, c'est que soit il est malade, soit il est fou, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc il se peut qu'il se lasse d'une personne qui prêche. Donc tu appelles une personne à la religion, donc tu t'en lasses. Tu vois que elle ne veut pas suivre le droit chemin. Quelqu'un de ta famille, souvent c'est la famille. On commence par la famille n'accepte pas les paroles qu'on leur transmette. Donc l'obligation qui lui est demandée est de patienter et d'endurer. Tu patientes. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu patientes. لَعَلَّهُ يَهْدِيهِ اللَّهِ. Donc الْهِدَيَا بِيَدِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Donc, t'attends la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla, celui qui va te récompenser. Donc le croyant patiente et endure. Et comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un hadith, عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إنما أمره كله خير إنما أمره كله خير إذا أصابته سراء إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith, yani, je m'étonne par rapport à la situation d'un croyant. Toutes ces situations sont que du bien pour lui. S'il rencontre une épreuve, il patiente. Et donc c'est un bien pour lui. Et s'il rencontre quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qui lui fait plaisir, chacun, il remercie Allah Azza wa Jalla et c'est un bien pour lui. Donc dans tous les cas, c'est un bien pour toi. Et comme Omar radiallahu anhu, ou Ardah, قال, لو كان الصبر والشكر بعيرين, ما باليت أيهما أركب. Omar radiallahu anhu, يقول, si la patience et le remerciement d'Allah Azza wa Jal auraient été deux montures, ça m'est égal de choisir n'importe quelle monture. Donc, si c'était des montures, c'est soit une dabba, soit une chamelle, soit un chameau, soit une naqa ou ba'ir. Yani, لو كان الشكر والصبر ba'irin, ba'irin, ما باليت أيهما أركب. Si je monte sur le sabre, c'est pareil, si je monte sur le shukr, c'est la même chose. Donc, tu dois patienter et endurer et attendre et faire des du'as. Faire des du'as. Et un du'as, silahun qadari. Comme il dit l'ilm, un du'as, silahun qadari. Le croyant patiente et endure donc sur la foi en Allah Azza wa Jalla. Il patiente par rapport à la foi que Allah Azza wa Jalla lui a donnée et il patiente, il endure sur la pratique. Et il regarde aussi comment les salafs faisaient dans la da'wah. Comment ils faisaient dans la da'wah. Et tout ce qu'ils ont subi par rapport à la da'wah. Hada Malik, yani Sujin, wa hada Al-Izz ibn Abdussalam, Sujin, wa hada Sheikh ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, Sujin, wa hada ibn Qayyim, Sujin, wa Abdullah ibn Mubarak, وشيخه الربيع بن سليمان الخراساني سجن ودخل عليه ابن المبارك حتى أخذ منه العلم. فهذا هو الطريق. لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. Donc c'est les épreuves que tu vas rencontrer dans ton prêche, c'est une chose, هذه سنة، سنة كونية. C'est comme ça que Allah Azzawajal a voulu que ça soit. Donc t'enseignes, ton rôle c'est quoi? C'est t'enseignes. T'enseignes aux gens ce que Allah t'a enseigné. T'ordonnes le bien, t'ordonnes le bien, et tu interdis le blâmable. Et donc, il faut que tu dises qu'il faut que tu patientes. يعني الثمرات تأتي بعد وقت طويل، لا تأتي في الحين. الثمرة تأتي بعد الوقت. Donc, la religion d'Allah Azza wa Jal, elle nécessite quoi? Elle nécessite la patience et l'endurance. Elle nécessite quoi? La patience et l'endurance. Donc, tu vas prêcher, tu appelles au tawhid, tu appelles la première chose, tu appelles au tawhid. يعني أن تعلم الناس توحيد الله عز وجل وأن تبين لهم الشرك، أن تبين لهم الشرك وتبين أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc tu prêches, يعني tu fais la da'wa, tu appelles à la religion d'Allah عز وجل, tu patientes. Et tu ordonnes de faire la prière, le tawhid, donc tu passes à la prière et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le prophète, Allah Azza wa Jal, a dit à son prophète, endure, endure donc. Comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Fasbir, ma sabruka illa billah. فاصبر كما صبر يعني aussi comme ils ont enduré les messagers يعني النبيون يعني من قبلك. والله عز وجل يقول et supporte patiemment la décision de ton Rabb car en vérité tu es sous nos yeux. والله سبحانه وتعالى a dit endure. Ton endurance nous viendra qu'avec l'aide d'Allah. يعني وَصَبِرْ وَمَا صَبْرُكَ وَصَبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصَبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ والآيات كثيرة. إن الله مع الصابرين. الله عز وجل est certes avec ceux qui patientent. الله عز وجل et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. إنما يوجد الصابرون أجورهم بغير حساب. إنما الصابرون je ne rappelle plus du verset exactement, mais en arabe, mais en français, bon, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et soyez endurants, Allah Azza wa Jalla dit, soyez endurants, car Allah est avec les endurants. وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Donc, c'est-à-dire, soyez endurants dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et abandonner et délaisser sa désobéissance. Et prenez garde à ses commandements et soumettez-vous à ses ordres et à ses commandements. Donc on continue après le cheikh dans son matn. Il dit وهذا, يعني, cela est indiqué par la parole d'Allah Azza wa Jal, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr akhir al-aya, surat al-'asr, surat 103 verset 1 à 3. Donc le cheikh a dit, et cela est indiqué par la parole d'Allah. Au nom d'Allah le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde par le temps. Allah Azza wa Jal jure par le temps. L'homme est certes en perdition. L'être humain est perdant. Il est perdant. L'exception, il y a une exception. C'est quoi l'exception? Sauf, Allah Azzawajal répond, sauf ceux qui croient en Allah Azzawajal et accomplissent les bonnes œuvres. Donc, il faut quoi? Il faut la croyance en Allah Azzawajal. Il faut faire des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui sont basées sur Al-Kitab wa Sunnah. Et ce conseil mutuellement de vérité, se conseillent mutuellement par la vérité. Troisième chose, et la quatrième chose, se conseillent mutuellement par la patience et l'endurance. Par la patience et l'endurance. Allah a juré par le temps comme quoi l'homme est en totale perdition, il est en perdition, sauf ceux qui croient en Allah. Donc si tu veux pas être en perdition, si tu veux pas être égaré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu crois en Allah Azzawajal. Imanu sahih, la huwa murji'a, wa la ash'ari, wa la mu'tazili, wa la khariji, wa la rafidi, wa la shi'i, wa la sufi, ala ususin rasikh. Donc, croire en Allah Azzawajal, accomplir les bonnes œuvres. Amanu wa 'amilu s-salihat. وتواصوا بالحق et se conseillent mutuellement par la vérité. وتواصوا بالحق الحق وتواصوا بالصبر et se conseillent mutuellement par l'endurance. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Il a dit si Allah عز وجل avait fait descendre que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Si Allah Azzawajal avait fait descendre cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il a dit on n'arrive pas, les troubles n'arrivent pas qu'à condition de laisser deux choses. Qu'à condition de laisser deux choses. De laisser le conseil, de se conseiller mutuellement par la vérité et de se conseiller mutuellement par la patience et l'endurance. Donc, il a dit, alayhi rahmatullah, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Majmou al-Fatawa, il a dit, si on délaisse, il a dit, la taqa'u al-fitna illa bitarki ma amara Allahu bihi. Illa bitarki ma amara Allahu bihi. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara bitawasi bil-haqq wa tawasi bil-sabr. فإذا تركنا التواصي بالصبر والتواصي بالحق فإذا تركنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر وقعت الفتنة. Donc il dit si on délaisse le fait de se conseiller mutuellement par la vérité et de se conseiller mutuellement par l'endurance et la patience, alors les troubles arrivent. Alors on va assister à des troubles autour de nous. Et c'est ce qu'il y a subhanallah azza wa jalla fi hadha az-zaman. Donc on arrive à une indication et une explication de ces quatre points. Il y a en effet quoi? Dans cette sublime sourate de sourate Al-Asr, des choses de la religion. Donc, Ad-dinu kulluhu, imanun, wa amalun, wa da'wa, wa mada, wa wa sabr. Din, on a vu c'est quoi? C'est la foi, des actes, le prêche et la patience. Donc la foi, il faut qu'on ait la foi en la vérité. Donc sa mise en pratique, yani amalu wa amilu. Sa mise en pratique. Ensuite, prêcher, donc faire da'wa, conseiller. Ensuite, patienter et endurer par rapport aux critiques, par rapport à des gens on va avoir des gens qui vont à l'encontre de ce qu'on fait circuler, véhiculer. Au travers nos paroles. Donc tous les gens sont en perdition. Tous les gens sont en perdition. Donc Allah a fait une exception. En fait, Ibn Adam, kulluhu fi madar fi dalal. Il est en voie de perdition et de destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Et se sont mutuellement recommandé la vérité, se sont mutuellement recommandé la patience. Donc ceux-là, c'est qui? Ceux-là sont bien évidemment les gagnants. C'est ceux qui vont gagner. Donc c'est soit tu es égaré et tu es en perdition. Donc si tu n'es pas en perdition, tu es sur la voie. Donc si tu veux être sur la voie, donc il faut suivre ces quatre indications que Allah nous a indiquées. Donc par le temps, et Allah, quand il veut faire passer quelque chose, quand il veut faire passer subhanahu wa ta'ala un ordre, une chose qui est très importante, il jure par ses créatures. Donc ici, Allah agit par le temps. Voilà, par le temps. Or, Allah est le véridique, subhanahu wa ta'ala. Et même si il ne jure pas, donc quand il jure, c'est pour, subhanahu wa ta'ala, quand il jure par ses créatures, c'est pour insister sur une chose. C'est pour insister, subhanahu wa ta'ala, sur une chose. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, jure par ce qu'il veut de sa création. Il jure par ce qu'il veut de sa création. Donc il jure par Duha. Wad-duha. Il a juré Yarsha. Il a juré par la nuit. Wad-tini. Il a juré par des fruits. Et donc Allah Azzawajal jure. Et personne ne s'oppose à lui, subhanahu wa ta'ala. Il a juré par le ciel. Wad-sama'i. Par le ciel aux constellations, par le ciel et par l'astre nocturne. Il a juré par le jour montant, wa-duha. Il a juré par le ciel, par le soleil, wa-shamsi wa-duhaha. Et le soleil et sa clarté. Il a juré par la nuit quand elle enveloppe. Quand elle enveloppe tout, par ceux qui arrachent, etc. Donc, il jure par les créatures, bon, pour montrer sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui mérite d'être adoré. Et pour montrer comme quoi c'est le plus haut. Comme quoi il est en haut, il est le sublime, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ses créatures. Et il indique son unicité et qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Donc, ceci est une obligation pour tout musulman, donc, de suivre ces quatre choses pour arriver au bonheur et arriver au paradis bi'idhnillah. Parce qu'on a vu comme quoi il y a soit droiture, soit égarement. Il n'y a pas une quatrième route. Il n'y a pas une quatrième route. Donc il y a soit sabilur rahman, soit sabilur shaytan. Deux choses. Et d'après la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, par rapport au fait de jurer, le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque jure par une chose autre qu'Allah a certes commis le polythéisme. A certes commis le polythéisme. Qala alayhi salatu wassalam, fima yirwi l'imam Ahmed, wal hadith, yani hadith sahih, ce hadith a une source authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Ici, c'est pas le coffre qui fait sortir de l'islam. Donc, le coffre Le kufr kufran, comme on le verra inshallah dans des cours de al-aqida, le kufr kufran. Kufran asghar wa kufran akbar. Kufran la yukhrij min al-milla wa kufran yukhrij min al-milla. Donc ici c'est un kufr asghar la yukhrij min al-milla. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ithnani fi an-nas hum bihim kufr. An-niyahatu 'ala al-mayyit wa at-ta'nu fi al-ansab. Donc, il y a plusieurs hadiths qui montrent comme quoi il y a le kufr akbar et le kufr asghar. On verra ça, inshallah, azza wa jal, fi durusin ukhra. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un autre hadith que Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, celui d'entre vous qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan fal yahlif billahi aw li yasmut. Aw li yasmut. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من صمت نجا من صمت نجا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dans ses paroles montre comme quoi il est interdit de jurer par autre que Allah. Il est interdit de jurer par autre que Allah. Donc l'obligation pour tout musulman et musulmane de prendre garde, de faire attention, de faire très très attention de jurer par autre qu'Allah. Et on le voit beaucoup autour de nous. Les gens jurent par la Mecque. Les gens jurent. Après, il y a la question de jurer par le Coran. Il y a un rajih عند أهل العلم أنه يجوز. أنه يجوز. L'avis le plus favorable, le plus qui est juste, c'est le fait de jurer par le livre d'Allah Azza wa Jal. Il y a une divergence sur ce fait-là, mais les savants ont dit qu'on pouvait jurer avec une sifa. On pouvait jurer par un attribut.